Manon Fantini, Léo Collin, bonjour. Bonjour. Bonjour. On n'a qu'un seul micro, donc il va falloir se serrer un peu ou que j'oublie pas de vous le tendre. Donc cette installation, est-ce que c'est une installation? Oui, ou enfin ce contexte s'appelle Play the Village. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait c'est un projet qu'on a développé dans le cadre du festival Sonic Matter à Zurich en 2022. Et c'était à l'origine un programme un peu de médiation, ou plutôt comment acquérir ou trouver des nouveaux publics, attirer des personnes qui ne sont pas familières avec la musique contemporaine ou expérimentale. Et puis là, on fait une nouvelle version genevoise. Et le principe du projet, c'était d'aller à l'écoute des sons de ce qu'on appelle le village. C'était plutôt pour nous les associations engagées autour de Zurich qui travaillent pour le réemploi ou la durabilité sociale ou écologique. Et puis, on a développé des instruments à partir de ça pour une pièce à Zurich en 2022. Et là, on refait une version genevoise où on a découvert le village genevois et on fait une nouvelle proposition à partir des sons de ce village. Ce village est la Mako, qui est une grande maison avec plein d'associations diverses et variées. Et qui nous ont... Ouais, c'était très inspirant puisque nous sommes allés là-bas, on a enregistré des sons, on a pu parler avec les gens, tout en un peu comme maintenant avec un micro, et on a pu tout simplement, de manière, on va dire, solitaire, prendre un micro puis enregistrer ces sons-là. Et puis on a pu recréer l'installation que là on ne voit pas mais qu'on pourrait entendre. On a recréé tout un univers à travers ces sons-là. Et un aspect qui nous a touché, c'est qu'il y a une association où on peut emprunter des objets et non pas les acheter pour un autre système d'économie. Et ça nous a touché puisqu'on s'est inspiré de ces objets-là, par exemple pour un tourne-disque qui est en train de se réparer ou un truc de soda où normalement on peut louer ça pour ne pas l'acheter, et du coup on a créé des instruments à travers ces objets par exemple. Et vous disiez que c'était un projet de médiation qui avait pour intérêt d'amener des nouveaux publics à la musique contemporaine. Enfin, comment est-ce que vous faites le lien entre ce que vous avez proposé ici et puis la musique contemporaine? C'était parti de workshops où on faisait du field recordings pour enfants, où on leur donnait des outils d'enregistrement assez professionnels. Et puis on faisait juste du field recordings à hauteur d'enfants. Et puis là, quand c'est devenu un petit peu ces espèces d'installations, l'idée c'est de permettre aux gens de se plonger dans le jeu sonore et de pouvoir jouer ensemble. Et souvent, en fait, on soupçonne pas que n'importe quoi peut devenir un instrument. Et puis les musiciens professionnels le font très bien. Et surtout dans le festival, on salue toujours cette créativité. Enfin, c'est hyper inspirant de voir à quel point quelqu'un qui est tout le temps dans cette réflexion peut jouer de tout. Et puis on essayait de montrer que en fait n'importe qui peut jouer de tout et qu'il faut juste transformer un petit peu son regard sur les choses. Et donc c'est ça le principe de l'installation. Souvent les communautés qu'on a visitées ne sont pas venues ou très peu sont venues pour en ville pour voir la ville parce que c'est trop, ça reste la ville. Et souvent ces gens-là qui sont dans ces villages ou qui sont à la périphérie ne viennent pas forcément pour en plus un nouveau monde. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est que ce n'est pas une réponse opposée à celle de Manon, c'est plutôt que ces communautés-là, finalement, sont assez proches de la musique contemporaine, de ce qu'on fait nous. D'un certain type de musique contemporaine, bien sûr, parce qu'il y a plein de musique contemporaine, mais de ce qu'on propose par rapport à Archipel, par exemple, ou le festival, je trouve la Mako est assez proche des valeurs de Archipel. Et c'est ça que je trouve... Donc c'est pas vraiment « Ah, les gens de Mako vont venir et on aura plus d'audience », mais plutôt « Ah, en fait, on est des mondes séparés, mais en fait, on communique, même si on se parle pas ni on se voit pas. Voilà. Alors quand je regarde un petit peu autour de moi, l'espace, il y a une certaine organisation. Il y a un espace qui a peut-être été pensé pour accueillir un public. Et puis il y a un espace un petit peu plus au fond qui ressemble à un espace scénique avec l'installation d'objets que vous avez faites. Et puis tout autour, il y a des petits posters avec des invitations. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler un peu plus de ça et puis peut-être de certaines de ces invitations, enfin me les commenter? Oui, alors d'abord, on avait cet espace à disposition au fond de la salle de jeu. Et puis l'idée, c'était que ça reste ouvert comme un lieu où les enfants pouvaient venir jouer, les familles se reposer avec cette espèce de scéno très confortable où on peut se promener en chaussettes et écouter. Et on s'est dit qu'on allait faire justement une situation qui est un peu entre le... Il y a un concert au fond où les gens sont un peu en train d'improviser leurs instruments. Les participants peuvent vraiment partir un peu dans leur monde parce qu'il y a tout un système d'amplification qui fait qu'on découvre les bruits qu'on fait, qui sont transformés avec des micro-contacts. Et du coup, ça, tout le monde peut jouer dans le fond. Et c'est même pas forcément... on a orienté les places aussi pour que les gens soient pas face à la salle de jeu, mais plutôt un peu dans un petit cocon expérimental. Et puis, sur ce paysage confortable, là, on a de nouveau fait une amplification sonore, où on a créé une situation où les gens peuvent regarder ce qui se passe là-bas dans le fond, observer un peu les gens qui tripent sur leurs instruments. C'était un peu l'objectif, et que ça reste assez fluide pour que ce soit quand même invitant. Et on a essayé de réunir tout ça avec cette question de jouer et écouter, parce qu'en fait, ce qu'on fait avec ces objets, c'est juste qu'on peut justement jouer de la machine à soda ou jouer du tube. Mais dans cette partie plus repos, on peut aussi écouter. Et des fois, là, on entend par exemple ces petits bruits qui résonnent et on les écoute pas forcément comme de la musique parce que c'est vraiment des bruits qu'on a enregistrés à la Maco, des bruits de machine. Et c'est aussi un exercice d'écoute, de les écouter comme si c'était des... comme s'ils étaient des... enfin, ils sont en fait des performances. Et du coup, de changer un petit peu notre oreille sur ces bruits. Et du coup, on les a un peu... voilà, c'est un peu des petites pistes. Sur tout ce qu'on peut écouter dans cette salle, mais on peut aussi écouter la route qui est à côté, on peut aussi écouter les bruits du festival. Enfin, l'idée, c'est qu'un peu de donner des petites... bon, essayer de les mettre aussi assez bas pour que les enfants puissent voir, lire et juste s'ouvrir à ça. Ouais. Un complément de réponse serait que quand on arrivait dans l'espace avec notre idée d'installation, on s'aperçut que l'espace avait quand même une grande... ouais, quelque chose d'assez puissant, puisque il y a, là où tu mets tes pieds, c'est plutôt un espace pour se reposer ou écouter ou jouer, enfin, si on a un enfant et qu'on saute partout. Et du coup, on s'est dit, ah, c'est trop bizarre, on est trop loin de... Enfin, notre installation serait au début, ça serait différent, ou au centre, mais là, comme il y a ça, on s'est dit, on va faire à la fois un espace de jeu et un espace d'écoute, d'où toutes les petites feuilles que c'est marqué écoute, écoute, écoute, et là-bas c'est marqué joue, joue, joue. Et comme ça on a vraiment créé un double espace d'écoute et de jeu. Voilà. Et puis comment est-ce que vous situez ce travail dans vos parcours respectifs? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ensemble? Et puis, je ne sais pas, peut-être vous pouvez aussi me parler un petit peu plus de ce que vous faites à côté de jouer dans le village. Ben, en fait, moi, c'est venu justement comme je développais ce programme de médiation pour ce festival à Zurich. Et ça s'est fait vraiment d'une manière très organique, puisque j'avais à chaque fois des artistes invités. Et chaque fois, la place, on a organisé ces workshops in situ, un peu dans différents lieux autour de la ville. Et puis, le festival a commencé à demander à ce que la présentation des résultats des workshops soit de plus en plus performative avec les artistes. Et une année, on a collaboré ensemble avec Léo et c'est devenu vraiment une pièce dans un club avec une scénographie. Et c'est vrai qu'on s'était tellement amusé à faire ça. Et je crois que la thématique nous a aussi tellement touchés. Qu'après, on a refait ensemble l'année suivante. Et puis, c'est devenu cette espèce de format qui est très hybride, justement, entre quelque chose de très joyeux et de médiation. Mais en même temps, c'est quand même une installation. C'est quand même aussi une performance parce qu'on est toujours là à animer un petit peu les interactions. Et c'est clair que bah, pour ma part, on a des rapports très différents à la musique. Moi, je ne suis pas musicienne, je travaille plutôt dans des projets participatifs, justement. Et des fois, je le fais aussi pour des communautés où c'est beaucoup plus dans le concret. J'accompagne des grands processus urbains ou des choses comme ça. Et du coup, pour moi, c'est toujours un exercice de retrouver le côté très ludique et joyeux de la rencontre et de l'expérimentation ensemble. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien plonger dans ces mondes-là. Et je sais pas toi. Sur mon parcours, c'est un moment où je me suis dit j'aimerais bien aller sur la route et puis faire un peu plus de concret, même si on reste toujours un peu à la surface, ou en tout cas ça reste toujours des après des expériences où on part enregistrer ou on part faire du sound field recording ou des choses comme ça. J'ai toujours l'impression d'être en surface et c'est assez dur de vraiment de par ma personnalité ou de par ma formation de compositeur qui est plutôt à la table ou au studio pour faire des choses dans des salles de concert ou dans des salles. J'avais vraiment envie de développer un projet un peu plus, ouais, où on va voir des gens, mais j'avais pas cette capacité-là, comme Manon a, de pouvoir envoyer des mails et dire on voudrait venir vous voir, tout ça. Et du coup, pour moi, c'était parfait de pouvoir s'intégrer dans cette expérience qu'a Manon, et puis cette facilité ou ce travail que tu as pour rencontrer d'autres communautés. Du coup voilà, c'était pour à la fois enregistrer sur le terrain, mais avec des communautés et pas juste en tant que touriste. Et pour moi c'était vraiment cool de pouvoir ensuite recréer quand même pour un concert ou pour une salle de concert ou pour un festival, qui reste des salles fermées, avoir une expérience quand même. On a allé voir des gens. C'était pas juste mis un micro quelque part et on sait pas d'où ça vient. Voilà. Et je vous ai entendu plusieurs fois évoquer la question de l'accessibilité, de la mise à disposition pour les personnes qui viennent, soit écouter, soit jouer. Est-ce que vous avez ici, quel public est-ce que vous avez rencontré ici, et puis dans cette diversité, est-ce que ça vous déplace d'une certaine façon, ou est-ce que Votre dispositif est d'emblée pensé pour accueillir tout le monde de la même manière? Alors idéalement, ce serait pensé pour accueillir tout le monde de la même manière. Et ce qui nous est arrivé déjà plusieurs fois, puis qui est assez rigolo quand même dans les festivals où on se retrouve un peu en marge, parce que c'est quand même toujours lié aux journées famille. Donc il y a ce mélange entre les familles qui viennent avec enfants et les musiciens professionnels ou les programmateurs du festival. Il y a toujours un mix qui nous plaît beaucoup. Et notre objectif aussi, c'est d'amener vraiment les gens de tous âges à jouer. Et assez rapidement, on voit que les enfants, ils commencent à s'amuser. Et puis les parents ne peuvent pas vraiment les accompagner parce qu'on ne peut pas tellement expliquer à un enfant comment il faut jouer de la machine à soda. Donc assez vite, les parents se mettent à jouer aussi. Et nous, on essaie aussi de créer une atmosphère un peu où on... C'est un peu une atmosphère de concentration, de jeu concentré comme ça. Et là, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus engageant possible ou le plus accessible possible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Encore complément de réponse. Moi, pour ma part, je vois très peu d'enfants normalement dans ma pratique. Du coup, là, ils doivent jouer. Ça me déplace dans ma zone de confort parce que s'ils sont excités, il faut un peu... Comme c'est des choses quand même assez fragiles, et j'ai toujours travaillé dans pas mal de choses assez fragiles, là, il faut arriver à tenir les enfants. Mais moi, je trouve toujours impressionnant qu'au bout d'un moment, la plupart arrivent vraiment à se concentrer. Ça, aussi, on voit la différence entre quelqu'un qui a 8 ans, ou qui a 12 ans, ou qui a 15 ans, ou qui a 3 ans. C'est extrêmement variable. Mais voilà, moi je pense que des gens assez âgés, des parents et puis des enfants, ça c'est un public que normalement j'ai jamais l'occasion de toucher en tout cas. On a eu des très jeunes enfants hier. On a eu des très jeunes enfants hier. Et vraiment, du coup, les parents essaient de... Oui, on a eu des bébés hier. Oui, des bébés, qui... Du coup, les parents essaient de transmettre une émotion à leur bébé avec du noise. Donc, c'était assez marrant, assez touchant. Ouais. Et aujourd'hui, vous accueillez des bébés de nouveau ou... enfin, qu'est-ce on ne sait pas, c'est la surprise. On ne sait pas, c'est la surprise. Ouais. On verra si... c'est vraiment... ouais, en fait, à chaque personne arrive, on doit tout de suite essayer de les mettre au diapason. Et puis, chaque personne, ça. Oh, ben moi, je suis compositeur professionnel, ça. Ok, nan, nan, oh là. C'est une mère de famille qui est là. Bon, j'ai mon enfant, j'espère qu'il va être occupé pendant plus de 5 minutes. Et puis, il ne faut pas qu'il casse tout. Ou alors, ils sont très. Oh, fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment des différentes sensibilités à gérer à chaque fois. Puisque c'est vraiment la personne qui crée ce monde, en fait. Nous, on a créé un terrain de jeu et on essaie juste de sensibiliser parce que chaque personne est très différente. Donc, on a vraiment des virtuoses qui arrivent, des enfants virtuoses qui jouent super bien. Donc, on est là, waouh. On sent la différence entre un autre qui s'en fout complètement. Du coup, c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Et du coup, le Wunderkind. Le Wunderkind de la noise. Et... peut-être pour terminer là-dessus, dans votre présence ici spécifiquement à Archipel, est-ce qu'il y a une résonance particulière avec votre travail ou est-ce que en vous baladant vous-même dans d'autres installations, en allant écouter des concerts ou dans le contact que vous avez eu ici, est-ce que ça résonne d'une certaine façon avec ce que vous faites ou est-ce que dans n'importe quel festival ça se passerait exactement de la même manière? Pour ma part, j'ai aussi l'impression qu'Archipel, par exemple pour ce festival, il y a plusieurs esthétiques aussi. Mais ce week-end-là, c'était il y a eu quand même pas mal de gens qui faisaient du soundfield recording, mais de manière un peu soit humoristique, soit faire des blagues dessus. Ou pas juste mettre un CD puis enfin une disquette ou je sais pas comment dire ou un MP3 ou SoundCloud whatever et jouer juste, il y avait comme une sorte de recherche sur ça et ça m'a touché parce que finalement là ce qu'on entend c'est comme une pièce électroacoustique en plus en fond où les gens puissent jouer et moi je suis toujours touché de comment on peut arriver à créer des nouveaux formats pour de musique expérimentale sur support ou sans support. Du coup, en tout cas, hier, j'ai quand même ressenti une résonance avec, par exemple, le concert de Jean-Philippe Bourros, où je me suis dit, ah tiens, c'est d'autres sons, c'est d'autres qualités, c'est vraiment des formats. On est d'autres formats, bien sûr, mais il y a une résonance, je trouvais. Ouais, puis moi, c'est juste une autre résonance qui me vient à l'esprit. C'est juste parce que quand on a rencontré la Mako, enfin quand on est allé enregistrer les sons à la Mako avec le grand atelier, la manivelle, toutes les associations qu'on a enregistrées, ils ont vraiment un engagement qu'on trouvait complètement incroyable. Et puis c'est comme une espèce de fourmilière quand on va là-bas. Puis c'est ça qu'on a essayé aussi de retranscrire un petit peu, où il se passe des choses dans tous les sens. Et puis il y a un esprit de famille, d'engagement commun qui est vraiment très fort. Et puis je trouve que Archipel, ce que je ressens du festival, c'est aussi un peu la même chose. Il y a vraiment un gros engagement de l'équipe et tout le monde qui passe ce temps ensemble, se rencontre, échange. Enfin, il y a un côté aussi militant. Et c'était assez beau hier d'avoir des gens, justement de la Mako, qui sont arrivés ici, qui se voyaient représentés dans le festival. Et je trouvais que c'était chouette de mettre ces gens en contact. Puis c'était aussi super pour nous d'avoir... Marie qui était aussi tellement motivée à ce qu'on enregistre ces lieux et puis à les mettre en lumière. Donc ouais, ça c'était vraiment un chouette aspect du projet, je pense. Je vous laisse un petit mot de la fin ou... Bah, merci beaucoup, Madame Fantini, merci beaucoup Léo Collin et puis à bientôt. À bientôt, ça marche.